Ça va plus du tout. J'ai plus envie de boire ni de manger. J'ai plus envie de me baigner. Je suis limite nerveuse, Bagdad. Oh, et puis merde, j'ai même plus envie de me laver. Thank you.